Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Interbrezonnik sur RKB. Kentel Perrand Trizek. Atriugen. C'est Henri qui me le souffle, hein, il est gentil à chaque fois. 473. Bonjour Henri. Bonjour Morgane. Madame Tragona. Ja, nesquite glem. Nesquite glem. Ja, ja. Alors, Henri, on commence comme d'habitude par Gerriou Arvué, cette petite leçon de breton. Oui, alors aujourd'hui, c'est un mot assez répandu, manard. Manard, hein. Qui veut dire un moine. Alors, manard, hein. Un moine. Et donc, c'est un mot celtique, hein. Enfin, celtique, en fait, c'est un mot dérivé du latin, mais qui s'est introduit dans les langues celtiques à l'époque de la colonisation romaine en Grande-Bretagne, et donc qu'on trouve en gallois, en cornique et en breton, pratiquement sous la même forme, et en gaélique également. Donc, ça vient du latin monacus, donc qui veut dire un moine, voilà. Alors, le pluriel, c'est menar. Donc, pluriel de nom de personne n'étant pas en « ou », donc il y a une mutation adoucissante après l'article. Donc, c'est « orvenar », hein. Voilà. « Ormanar », « orvenar ». Alors, c'est un nom religieux, hein, qu'on trouve bien sûr beaucoup par exemple, dans les chants religieux, dans les cantiques, hein. Par exemple, dans le cantique de « Sanka d'Odulor », qui a été fait par l'abbé Sérandour en 1932... On trouve Epenerva Krogma de Stur, Waurmanar Urblenger Vur. Il s'agit de Saint Iltude, hein, donc qui avait créé un monastère donc au Pays de Galles. Et avant de venir à Quadou. Les paroles, c'est quoi ça? Ça dit quoi, Henri? Alors à la tête du navire, hein, tenant ferme le gouvernail, était un moine, un pilote sage. Voilà, Ormanar, Urblenervur. Voilà. Donc c'est un mot qu'on trouve assez souvent, hein, dans pas mal de cantiques, dans pas mal de choses, hein, Ormanar. Et puis dans la littérature, hein. Et même dans des chansons, par exemple dans la chanson Miso Gane de Gemene, hein, on va trouver de Skola Jouvi Moumanar, joli coucou, me Halon Bauer ou les plards, joli, joli coucou. Donc j'étais allé à l'école pour devenir moine, mais moi je recherchais plutôt une femme, ah, une fille, quoi. Ah, oui. Voilà. Donc, là, ça va pas marcher. Donc, il fait rimer, manard avec plard, hein. C'est pas mal, quoi. Voilà. Alors, il y avait toutes sortes de moines, hein. Par exemple, Meneur Rousse, sur les Capucins, hein. Meneur Rue, ce sont les Templiers, hein. Orvenor Rue, hein. Alors, c'est aussi un nom de famille, hein, qui est assez répandu, hein. Qu'on prononce en français, on dit manac, hein, mandar, hein, nom de famille. Alors, c'est à partir de surnoms, en fait, hein. C'est pas forcément des descendants de moines. Elle est bonne, Henri. Non, non. Henri, il teste si je suis bien réveillée, en fait, avec ce genre de truc. C'est pas forcément. Et donc, des noms de lieux, par exemple, aussi, Ploumanac, hein. Le village préféré des Français. Le village préféré des Français. je m'y attendais. Il y avait à Kerien Gouernemanard, qui était la ferme où a habité Jean Mainen pendant 20 ans avant de partir au Grand Launay. On a l'occasion de parler des chansons de Jean Mainen de temps en temps. Donc Gouernemanard, hein, qui se situait dans Kerien, qui était un village disparu aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, à partir de manard, on a fait des mots, hein, comme par exemple manarek, qui veut dire monacal, divanar. Alors divanar, c'est Là, c'est un surnom aussi, hein. C'est un moine, c'est défroqué, en fait, dit Ivandar. Hein. Donc, là, c'est possible que ça soit des descendants d'un moine défroqué. Puisque, en même temps que perdre le froc, il a retrouvé sa liberté. Voilà. Alors, il y a plusieurs noms pour les vêtements de moine. Hein. Il y a, par exemple, la bure, ou la robe de bure, la coule aussi. Hein, qui est la longue robe que portaient les moines, et puis le froc. Alors le froc, c'était pas ce qu'on appelle le pantalon aujourd'hui, c'était au contraire le haut du vêtement, qui a donné le froc en argot, mais c'est autre chose, quoi. Et être défroqué aujourd'hui, c'est autre chose que de perdre le haut du vêtement. Voilà. Alors, bon, d'Ivandar, hein, défroqué, hein. Alors, oui, le vêtement, c'est Urzé Vandar, hein. Donc la coule, hein, comme je l'ai dit, ou la bure, hein. Voilà. Alors, oui, une autre partie du vêtement, c'est Gordon Vandar, hein, qui est la corde qui entoure la taille, hein, chez certains ordres, en particulier les cordeliers, hein. Ça vient de là, les cordeliers, hein, qui sont les franciscains. Voilà. Botou Manar aussi, hein, les sandales, hein, des sandales rustiques, hein, qui permettent aux pieds de respirer. Manarti, donc, qui a donné Manati, hein, donc un monastère, une abbaye, quoi. Voilà, Manati Tierber, par exemple, hein, Quad Malouen. Manati en breton, on dit Bonar Requiem, pour bon repos. J'ai entendu ça quand j'étais gamin, quoi, hein. Je voyais pas très bien pourquoi c'était en breton, Bonar Requiem, voilà. Manati Beauport, Landgonde, et voilà, il y a pas mal de monastères, hein, dans le pays. Bon, bah voilà un petit peu un petit tour autour du mot Manar. On s'arrête là et on passe maintenant à la seconde partie de Entar Brezhoneg. C'est Brezhoneg, Tamm à Tamm. Brezhoneg Tamm à Tamm avec Henri. On est, Henri, dans une série sur les rimes oui, que les Bretons adorent. Oui, alors on va pas faire quand même tout à fait un dictionnaire de rimes, parce que ça pourrait peut-être lasser les gens. Mais bon, j'ai donné des exemples pour les rimes en nous l'autre fois. Donc, je vais donner quelques exemples pour les rimes en us. Us, c'est-à-dire en US ou UZ, hein. Et effectivement, on va parler pas mal des cantiques, parce que c'est souvent dans les cantiques qu'on trouve les rimes. Et d'ailleurs, souvent les gens qui ont fait des chansons par la suite se sont inspirés des rimes qu'on trouve dans les cantiques. Hein. Donc, le problème dans les cantiques pour trouver des rimes en us, c'était de faire rimer quelque chose avec Jésus, parce que bien sûr, on trouve Jésus très souvent dans les cantiques, et donc il fallait trouver des mots qui riment avec Jésus, hein. Jésus Pagan Brasi. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser un adjectif en us. Alors, ces adjectifs en us, ce sont des adjectifs qui veulent dire que qui apportent quelque chose, hein, qui engendre, qui procure quelque chose, hein. On va donner quelques exemples. Par exemple, Galudus, hein, puissant, hein, qui apporte du pouvoir. Poignus, hein, pénible, hein, qui apporte de la peine. Glorius, qui apporte de la gloire. Joyus, hein, on trouve très souvent, donc qui apporte de la joie. Un autre qu'on trouve très souvent aussi dans les cantiques, c'est Vertusus, hein. tous les saints pratiquement avaient des parents vertueux, hein. Et donc, et ça rimait avec Jésus, hein. Voilà. Quarantésus, qui apporte de l'amour, qui aime. Truésus, qui a pitié, hein, c'est très très souvent. Madélésus, généreux. Padus, durable. On entend parler beaucoup maintenant. Dioron Padus, hein. Perbadus, alors c'est plus que durable. Éternel. Éternel. Voilà. L'intrus, hein, qui brille, hein, Stirad l'intrus, par exemple. Goegelivrer, holhaludus, hadas Stirad l'intrus, troadrodidron perbadus. Autrefois, son bras tout puissant a semé les étoiles tout autour de son trône éternel. Ça, c'est dans Une heure à gloire. Donc là, il y a trois rimes, hein, qui se suivent, hein, avec us, hein. Voilà. Zentus, obéissant, ça se trouve très souvent. Eurus, alors Eurus, hein, très très hein, très très souvent. Hein. Glaharus, qui apporte du chagrin. Hein. Talvudus, qui apporte de la valeur, hein, qui est précieux. Squeezus, qui est fatigant, hein, et plus que squeezus, casus, vraiment épuisant, quoi, hein, qui attire même la haine, finalement, casus, hein. J'aime bien celui-là, hein, casus, hein, je trouve. Ma grand-mère disait ça. C'est vrai? Ouais, souvent, casus, c'était vraiment, qui exaspère, quoi. Hein. Voilà. Alors, on va donner quelques exemples. Par exemple, Vertusus, hein, Zand Lorenzer, Merzer Brudet, Niwa Keren Vertusus, Agabre des Anwadisket, En Auda Karoud Jésus. Alors, Saint Laurent, le martyr bien connu, hein, avait des parents vertueux. Et très jeune, on lui avait appris à aimer et à connaître et à aimer Jésus. Jeff Philippe dit des fois que les saints bretons ont toujours un peu la même biographie, hein, donc avec des parents qui leur apprennent à aimer Jésus de très bonne heure. Alors celui-ci, c'est pas un saint breton, mais enfin il est assimilé puisque hein, il est patron de Melpestivien et de Calac en même temps, donc il est assimilé saint breton, donc il lui est arrivé, il est homologué comme par sa biographie comme saint breton, quoi. Voilà. Alors oui, j'ai donné les exemples là dans Une heure à gloire. Hein. Alors on fait rimer par exemple avec Évirus, hein, dans Une heure à gloire un peu plus loin, donc et dans un autre cantique qui s'appelle Gloire de Var, et on fait rimer Jésus avec Angélus. Ah oui. Oui, voilà, ça c'est bon. Par ailleurs, oui, par exemple, on fait rimer avec Truésus, hein, je l'ai dit, hein. Piwer halfe la route calondoésus, pédiame de carré, bugalé, Jésus. Voilà. Et dans le même cantique, hein, on fait rimer Jésus avec Mésus. Hein, il s'agit de la guerre. La guerre est honteuse. Hein. Bresel Mésus. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est à peu près les. J'ai quelques exemples là. Alors Glorius avec Jésus aussi. Hein. Barados Didius, Dudius. Hein, donc. C'est un cantique très souvent utilisé à la Toussaint. Barados du Dius, broers and deme bro, na pegen e virus, vin vraiment et no. Voilà, donc pas mal de rimes comme ça. Oui, bah Clémus, hein, Clémus, c'est qui se plaint, hein. Bah, je dis toujours ne ce que te glème, mais voilà. Et pour finir une rime dans métique, métique qui n'est pas un cantique, et, quoique. Un disparti wa calet huero agan kenius, un éruste d'orbénement n'est que n'en drapadus. Le bonheur sur cette terre n'est pas une chose durable. C'est vrai que pour eux, leur idylle entre le jeune clerc qui rencontre Métic sur la route et leur séparation n'a pas été vraiment durable. Voilà, et ben on va s'arrêter sur Métic. On s'arrête là et on passe à la troisième partie, Petrazone Vervo. Trazone Vervro, Iri. Ben, calzedrao e velgius buervegi usan. Krogom de diantan velkis accustum gandela bourdouar agervu e war armes. Neus ke wal belzo e oa ba plurar homis evit canton kalak. Ze e oa de no arnug en ur vizest. Hag jusma den derog oa et den anan ou Alfred Boutier, président de cause homis, pa de spenugen la. Alfred Boutier wa an den hag eus oa oa hanav an mad bavro hag istim e gantout an dut. Hag be oa pell ter an eferm gant ni vreg ba ror vreg zez oa barouz mel pistil. A pad tre gond vla e bet ba kuzu lor barouz ba mel pistil. Hag tostu gant la e bet eil mer mam eus ba mel pistil. Hag Alfred Boutier oan den ampar douar la bourdouar, plijer edan la bourdouar, hag an spirad lem, hein, spirad bon glasket er mad mon oar og. Hag pa de tribla war nugen e bet de president de Homis, vit canton kalak. Alfred Boutier oa o brezon neg ar ampart. Den a blijedan komz brezhoneg hag ur spirad lem lan eus tartijen. Jules Gouez meud bet komz o gantam eus disket an dra beneket. Pe jonge an a kan ar oa ouspenze, krog oa de gant oa fechtouv noz gant i dat, pe oa yoang, hag plijor edan l'art kan oa eno e brezhoneg. Ma meus bet ekled ba RKB o kan an ur gant oa noa regist a kan oa eno el. À Paison, Jean de Albert Boutier, vraiment. Alfred. Par Alfred Boutier, il appelle Arine Madia. Jean de Banor Gomes, me bicle et valise, grand Marcel Guyous, tu de dis, no que Gualchin. Ag guiré, un juroir, no que Gual, tu dis, c'est chin. Ag bon, mais de bon, derrière Jean de Alfred Boutier. Bon, evit chom mon tamm war dach en el arbre doua. Un tri vis gwen golo, de ce blanc, me chom o ba en vor an dut, pu dur zo bet or manifestat ag ba Paris, gant mil pem kan traktor, hag zevek gwell aliz, me mestra, hag tu hon deus breiz am gant traktor yo. Bedon zouet gwell tout de banyel ou gwenadu ou a gante hein. Tre gant de lasso vije ke be gwell ze hein. A brom en gant douar tout un traktor yo a banyel ou gwenadu bon en tro oa bedo ze mad gant potre den FNSA dur neus de kud en bet benefin quoi. Bon un dut zo deut di pite de dier on tam dur bon promette zo tam o zikour ya oude mais ne be de droit plus dur bénéfice de ce que becomes de ce prix jo à gazement dal hein prix jo un trône qui est eu loire et vite paye un hargo bénéfice bon velmeslar du stuas un homme sera remis aux autres deux de bavro hein ba fine non ve homme sera remis au Hag, bon, vidisk yon tamp, pez ve gret gant labourer yon doua. Vi kanton kalag oa ba plourar, vit de canton de Zanicolas Mamba Jean-Angely, avec de d'Erpembe Visguengolo, tram de D, un des Ewa des Saden, ou à concourir Yézek, bah, département Odo en Arvor, vit l'emballe. Non que bête, bah, fait le Yézek. Non que bête. Non, nuit, non que bête, blanc, mais. Ou à l'Erzé, vos salons se passent, bah, roison, hein. Calzestaille ou vos gouelles, des noms. Bon, zizomade, même stra et zoué zizoir, hein, gouel, de ne yakemade en trou gant de la bourdoua, drévrance, medzine de harske de vahadour yon de bepsor trou, de zone de spas, hein, putur mame zoubé de, réa ou à casdon d'un inque vidon, ne ce que place évité, hein, ag, vahadour yon de zizquez bin view mécanique ou, dans de vise ou vide de la bourdoua, hein. N'encadre un zoo, mais me sera, du roi, n'a qu'à révéler, on verse, Wardachens. Wardachens, un endro, ne la rinque calze dra, arvige, me roise, tostara, un emvo de war, skelamser, pe war, l'imam, a peu soin, hob, bonan, war, nugen, vos grains de si, avo, ba, paris, ba, fine, mis, ba, fine, blanc, pe la rinque, ba, fine, mis, tiers, u. Bon. Calze du de pégomzan de zenandros, au bide, pas de nan, vide gwel de len, guerledan, dizer, d'un. Ag, vraiment, vos, bam, dis caramzor, vos hadkarg de len. Ag, dis, benebla, halo, bigi, montadon, war len, adare. Ambassan de vos tièmes de du, d'un, pé vos carg de len, velo apédi, ou à dizer, d'un. Ma treizen, au vige d'un gouel, non, disir, de, t'es roi d'un dut de vel nom, had carget. Dans mon temps, vraiment, war, d'acheneur politique et res. Bah, fine blanc, bah, mistierzu, hein, pis, vec gradalise, hein, vous, vota dégout, et vide, rendre royou. À crog et politicour, y'en de vire, vion tom, war, un affers, plus dur, bon, réseau, bah, pen en trop, Glasgow, miro de vlas. Agariz au Casmont Bars, Glasgow discarnet, et vel juste, hein, a dit seulement, un trou. A vel qu'ils accustument, vous guettez cal ze promesse, et vire rasté là de moejou. Promesse, ou avou, en quoi, d'un déwaler, vota dégo, et vel juste. D'asquir, musclève de, au nom, enfin, musclève, musclève, non, mais l'aine meusoire gazette, en ouest éclair, au nom, au cambal, il est vide, et ville une tuguen, mais elle aurait fait bout d'eau, une tu rue, hein. Même ce qu'on joue au clève, d'un. Aguilar et Awa Edu, quand on a au Brace, quand on a identité l'espine vidique. Aguilar, Bénéfine, on a squeeze, on tombe clève de, ayant squeeze, on tombe, au clève de, Zoton, ils up, dur, pévéguel, et pégan, trué, justement, stade, Zévena, dur, aguilar, Brazon, le gavel juste. Bah, vro, et aille point de me stra, dirant de l'art zoton, ils disent, mais, clève de vos zoton, ils disent, pas de, vos dut cambali. Bon. Dans mon temps, vraiment, war, d'achen, zévinadur. Il y a pem quand de l'assaut, ou abit, nem quand de Marignan, bah, bro, Italie, très oudard de Franchienton, bro, Hall, un gazoudard de bro, Suisse. Ag, bon, Edouard Mout, gant van Chantan, mais, bon, d'affezé, ou abé la radoual. En dis, wardro, Hugen Miledin. Ag, raisonnoit canine, ne se dis que zé bascol, puis dire, bascol, pe wan mi, bopen, mais, à, ma treizainement dis, roas, vi j'ai dis que d'un histoire vellement bescrive, de grand Michelet, à tu dis, quoi, en sorte, une sorte gontaden, zévelard roman national, ag, au, lévir, yo, wabé, gred, war, histoire brohal, gand, Ernest Lavis, instituteur national, a his, ne se gred, bénéfine, et Ernest Lavis ne scrive de, histoire brovrance, vel, moi, sens de vous, de, hygiène quand Jacobine d'un ag bon roise ba peine une dune mon compte dis bon Nîmes l'art et 1515 Marignan eu la crin Warham que Régius peut oisé, mais bon, peut toi 515 Marignon, quoi. On draël, ouais, trihan de l'assaut, de tient en, Miss Gwengolo, 1600 Pemzek, ouais, tenant non, Louis Pévarzeg, hein. Louis Pévarzeg, hein, ou ébro, hal, on den, l'un de l'or, mazobil, ou arbé, d'orvich, panekada. Aga, de houls, bon, vigé, comme je te casse, de ce Louis Pévarzeg, vel, roux et hiol, hein, le roi soleil, hein. Ag bon, or sort compta de noix, ma mesmaud, war bu et Louis Pévarz, gam. Bon, tramne des Bremen, non, ag, tostarom de zen 10-40 ans. War dachen, zévena, du réseau, be calze drau, bavro, bah, non, et vel, gwel zan loup, bah, gwengam, gwel bro plin, ban d'anou, de boulevri, agam. Gwel bro fissel ba rostren, blanc mezo bekal ze dut ba gwel bro fissel, hein. Quand ne vartelo dut ba pempoul, hein, ar oa kal ze dut, hein. Bon, evig déchu, man bed ne vesso, concourezon erien ba gourin, hein, evel be plat. Hag zo bed mezo ou speng 10,000 dut, hein, o chila ou concourezon erien. Hag vraiment et deux de mar et un distro et vider scolio hag eve et vider strolad ou a bep sort ou ar dash and ar sport ar zevena du rezon neirez hag troel. Vider un distro scol meus lar a déjà un chômeur a distor place ar brezon nek bas scolio bon nak kalz un trou a rog gwele meus da square ba grâce hein n'que deux de ben de Zigor hier las di ouyeze ga gouskoude n'en la que calze de bon mais de bon n'que deux de ben hein même stra ba pont de croise zo ba bro hab hein zo be digor de blam or skol di wan stalie de be ba or skol au skol wa dilez gan skoler stad Ag hati un peu ne débit quand tu de vu galé. Ag or skol vent mais quand perzek bugle. Evit krog, hein, mais en je réel au ton de prestige. A chance va de la rendre un baskol di one pont cross. Bon, un DL ba locarne ou abigré d'un tom lead kun Auguste Faircoq. Auguste Faircoq ou abigan de bakalak. Ba fin ur brez, la pemb a daugun. Hag neus gret studi ba HEC a waler oed en Amerik de vide I studi. Hag mi meus hanav nan pe oan bom dau ba hor studi ba Paris. Hein. Meus hanav nan bad, vej au tap a men train de zon de vreiz, pu durin te de vel I vam goz de oa ba kalak. Ami de vel me mam goz oa ba purut. Hag mem bet a rempredou, kleven meus ni oa bet ur gwalzar vou de ba bla daouzeg a trugen. Hag oa chom de paralizet, hag boen ne moa ke bet tiel ou desan. Hag ar meus gwel et benefin oa ar gazeten oa mar ur bla daouvil, a moa ke bet kleved. Mais on den jint il tre hag ur pen ur spered lem oa gant de Auguste Faircoq. Bon, c'est une même grande on tombe trop à pessonner, vé, bavro, belle vé gel, vos grades roisses. Qu'est-ce qu'on